En direct de vos studios de Cifou à Trois-Rivières. Voici. C'est le palmarès. Je pensais pas que t'étais pour embarquer. Bonjour, monsieur Simon. Salut, monsieur Jack. Ça va bien? Oui, vous? Oui, monsieur DJ King King Fanfan. Bonsoir. Ça va? Écoute, on, ce soir, on a une édition spéciale sans Mathieu Plante. Oui. On est obligé de faire avec. Mathieu Plante fête la deuxième fête nationale des Québécois. Oui. C'est-à-dire la fête du Saint-Déménagement dans un autre appart. Exactement. Et, écoute, on lui souhaite le plus grand bonheur, le plaisir le plus bucolique possible. Oui, ça doit être un mot. C'est un mot. Okay, je suis pas certain de ce qu'il veut dire, mais bon. Ben, il nous a appris tout à l'heure par rapport à ça, le déménagement. L'important, c'est qu'on sache que c'est un mot qui existe. Il a appelé pour le déménagement. Il nous souhaite bonne chance, c'est quoi? Ouais, non, il me parlait qu'il y avait un problème de chaise, là, puis qu'il allait nous écouter un peu là, pendant son déménagement. Rien d'important. Rien de nécessaire à la compréhension de la bonne marche des opérations. Ouais, qu'est-ce qu'on avait la semaine passée sur le palmarès en première position, M. Simon? En première position, on en a parlé un petit peu à la fin de l'émission tout à l'heure, mais on le répète parce qu'on aime ça. Du côté francophone, on avait Camionnette avec Jouer dans les airs. Et du côté anglophone, Du côté anglophone, en première position la semaine dernière, c'était Pascal Picard avec Smile In. Pascal Picard qui fait partie de l'art vocal cette année? Oui, monsieur. Oh yeah! Est-ce que tu vas aller la voir? Si j'ai le temps, parce que je travaille à l'art vocal, donc je fais des présentations sur les scènes de l'Auto-Québec, Ensemble Vocaux. Ça coûte rien, c'est des petites scénettes, là, puis je gueule pour que les gens arrêtent et puissent écouter le spectacle. D'accord. DJ King King, King Fan, il est dur à dire ton nom, je vais juste t'appeler DJ King, OK? Ah, c'est parfait, malade. C'est d'accord. Est-ce que tu veux nous nommer les premières positions, les 15e positions qu'on a cette semaine, qui sont deux nouvelles entrées, si j'ai bien compris? Exactement. Du côté francophone, au Linéa avec L'âme de fond, et du côté anglophone, Two Hour Traffic avec Nightwalk. Oui, ben c'est ce qu'on va aller écouter tout de suite. On va commencer le palmarès sans plus tarder parce que tu sais, veut dire, hein, comme qu'on dit en bon français? You've got through. Ben oui, yes. Et comment dire plein de mots dans un espace très restreint de temps? Écoutez-moi parler pendant à peu près 15 minutes, vous allez comprendre plein de choses. Ouais. Oh oui. T'as des cours là-dedans, ça compte pas. Oui, c'est ça, on appelle ça du remplissage de temps. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. On va essayer de parler jusqu'au poteau. C'est des leçons que je donne à toutes les semaines à Mathieu. Comment essayer de découvrir là où la pièce commence? Ouais, mais comment tu fais? Ben, on parle jusqu'à temps que ça arrive et on dit c'est fou 89.1. Ah ouais. Sombre et c'est plein de doigts pour te couler. Tu es la pole. Foncez, vous enfoncez sans arrêter. Face à face, les yeux fermés. Souris de voir les embarrés. Face à face, tes yeux fermés. See you. sans papier. La 15e position anglophone cette semaine, Two Hours Traffic. Et du côté francophone, juste avant, 15e position toujours avec O Linea avec l'âme de fond. Ben oui. Et c'est ce qui était les nouvelles entrées cette semaine. Ben oui. Je pense qu'on a fait le tour. Là. Ben rapidement, c'était pas long, hein? Non, ça a été bref mais intense, comme on dit dans le jargon. Ouais. Dans le domaine. Tu sais, dans le fond, c'est parce que là, l'été a commencé. Là. Il va y avoir moins de. D'après moi, il va y avoir moins de stock qui va rentrer. Là. Ah ouais. C'est triste. Moi, mais non, l'été, c'est une période qui est tranquille parce qu'en général, les nouvelles sorties musicales se font dans le temps des fêtes. C'est pas mal le gros rush. T'en as un au printemps, puis un petit peu à l'automne. Ben, je connais pas ça. Non, je te pardonne. C'est des choses qui arrivent. T'sais, on peut pas tout savoir dans la vie parce que sinon, on s'appelle Dieu. Oui. Dieu, il y a d'autres choses à faire que d'animer assez fou, là. Ben oui, il déménage sûrement. Probablement. Ben oui, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le début d'une longue fin de semaine de 3 jours pour les gens qui déménagent. Tant mieux. Profitez-en. Oui. et DJ King King Fanfan. Et un de ceux-là. Ah ouais, non, tu déménages en fin de semaine. Oui, exactement. Je déménage au centre-ville de Trois-Rivières. Est-ce que tu as déjà tes... Premièrement, allons-y bien simplement. Est-ce que tu fais partie des gens qui se sont payés des déménageurs ou toi, tu es un fier à bras? Je suis un fier à bras. Est-ce que tu as bien du monde qui t'aide? Oui, quand même. Combien de gens à peu près? Une dizaine. Ouais, facilement. Okay. Tu déménages d'un appartement où tu étais tout seul ou... Non, je pars de chez mes parents. Oh yeah, le début dans la vraie vie. Exactement. Oh yeah. Puis tu loues un camion ou tu fais ça avec 7-8 camions différents puis deux Mazda Miata? Un bon vieux trailer. Puis non, pas un Mazda Miata. Ça. Non. Tu prends pas gros de stock là-dedans. Là. Ben, t'as pas de valise là-dedans. Non, non, c'est ça, c'était la blague. Ben, c'est un deux places, pas de valise. Ouais. C'est comme prendre une Porsche pour déménager un frigidaire. Hey, mais tu savais-tu que quand tu as une Ferrari, ouais, tu signes un contrat comme de quoi tu peux pas mettre d'outils dans ta valise, tu n'as pas le droit. Hein? Et ouais, il y a un contrat que tu signes pour garder l'image de Ferrari et tu n'as pas le droit, personne ne va le faire, là, mais c'est quand même... Tu n'as pas le droit d'appeler un towing. Tu n'as pas le droit de te faire poser un hitch pour mettre une boule puis de mettre une roulotte en arrière. Ben, en partant, j'ai pas de difficulté à croire ça parce que à la... La Ferrari, c'est pas une voiture qui doit être faite super solide. Dans le sens que ça doit être optimisé pour la légèreté, ça doit être des matériaux, tu sais, du carbone, des choses comme du graphite et tout ça. C'est léger, c'est solide, mais probablement pas assez pour se poser une boule. Là. Ouais, il y a tout ça fait. Puis entre toi et moi, là, tu te vois-tu vraiment te poser un trailer en arrière d'une Ferrari pour. Non, ben, c'est ça. Puis tu roules en première de Trois-Rivières à la Tuque pour être capable de déménager ton stock, là. Ben, c'est pour ça que je te dis que. Pas c'est grand écrit, monde mais ça. Personne ne va le faire. Ah non, de toute façon, ça serait d'un ridicule épouvantable. Ouais. Puis même des outils, c'est logique aussi. À vitesse que tu roules avec ça, tu vas bosser tout l'intérieur de ta valise. Ouais, ça joue pas de bon sens. Ben, musique! Ben oui, allons-y. C'est ça qu'on fait ici. On fait jouer de la musique. Parce que sinon, tu veux dire, on va s'endormir. Ben, c'est peut-être. 14e position francophone cette semaine, Jacques Mort avec Biscuit Chinois. Et après, on a du côté anglophone. Merci. Après, on va recommencer ça. Là. OK. On a voulu bien faire, puis non. Okay, prise 2. 14e position cette semaine, Jacques Mort avec Biscuit Chinois. Et 14e position anglophone, Data Rock avec Par. Tout le monde. As-tu coupé? Oui, mais ça arrive, ça. Oui, c'est... Ils t'apprennent ça dans tes cours, hein, Jack? Oh, ils m'apprennent ça à faire une coupure de façon mémorable, toi, chose. C'est beau, ça. C'était Fa-Fa-Fa de Data Rock. C'était la 14e position anglophone cette semaine. Et ça a été précédé de la 14e francophone. Ben oui, c'est comme ça que ça marche, si. Ben oui, c'est ça qui est fou. C'était Jacques Maure avec Biscuit de Chine Noire. Est-ce que tu sais que de faire un jeu de mots avec C'est fou sur les ondes de C'est fou est illégal depuis maintenant 4 ans? Comment ça? Ça a l'air que les gens qui font trop de jeux de mots, comme tu viens de faire, d'une qualité douteuse, peuvent être soit envoyés en prison sans procès ou être pris de convulsions incontrôlables pendant 2 semaines. Moi, ça me dérange pas de prendre un risque. Non? OK, ben écoute, je te laisse le droit d'en faire un. Non, mais moi, je vis ma vie à 100%. Puis, vis ta vie, puis tu restes en vie? Ouais. OK, je ferai. Ça aussi, c'était pas bon. Ouais, c'est une référence obscure à Casey LMNOP, hein? Ouais. C'est quoi donc la toune DJ King King Fanfan que je chantais tout à l'heure quand on est arrivé? Il y avait une des tounes que je chantais, puis j'ai dit ça serait pas pire de faire jouer ça. Une vieille toune disco, là. Tu te souviens-tu? Non, je me souviens pas. Tu te souviens pas, c'était quoi? Je l'avais dans la tête, puis je me suis dit on pourrait faire jouer ça, Souvenir des années X. Mais bon. Si ça me revient, là, je vous jure qu'on le fait. Ben, continuons. DJ King King Fanfan, tu me passes le CD? C'est pas la meilleure émission de début d'émission qu'on a faite jusqu'à date. Non, mais on va se rattraper. C'est parce que Mathieu nous manque. Ah oui, il est pas là, puis là, on se dit, ça va bien, mais en même temps, il manque une énergie. On va aller la rechercher. Mon cœur pleure et saigne. Oui, ça se voit. Continue. Ta chemise est toute sale. Et voilà. Puis là, on continue, 13e position? Oui. C'est ça qu'on disait, hein? Oui. Côté francophone avec Zébric et avec toi. Puis DJ King King Fanfan du côté anglophone. Du côté anglophone, Fort Pierre avec Employed. Ah oui. Hey, ça, c'est de l'anglais que j'adore. On écoute la 13e position. Assez fou, 89.1, la radio de Trois-Rivières. C'est bon, hein? C'est parle. Excellent. Entre chacun des punch, la toune. Avec le sur la lune, on va toucher au soleil. À Chameau dans les dunes, en plein pays des merveilles. Avec toi j'ai fait la guerre, sans penser à demain. Pour ensuite faire l'amour, jusqu'au petit matin. Avec toi tout contre moi. Tu vis dans mes pensées, même endormi je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tout le monde arrête, je continue avec toi. Avec toi dans ce monde de poussière et de sang, je me sens capable de le prendre et d'y faire face pour un instant. Avec toi si tu veux, on va parcourir la terre, puis faire chanter ses louanges, puis faire vomir ses enfers. Avec toi tu comptes moi, tu vis dans mes pensées, même en temps je te vois. Avec toi tu comptes moi, là où tu m'arrêtes, je continue avec toi. like I'm employed. I'm employed. The short thing is the short body of the Buddha. The long thing is the long body of the Buddha. I don't think that anybody can make a case that I haven't been patient, real patient. Maybe more than I should have been, but I believe in a pecking order. And I believe in seniority. And I believe that I'm onto a couple of things that perhaps elude those friends of mine that I no longer have any time to see. I understand that a lot of them are seeing shrinks, which I think is hilarious because all I see is growth. The rich getting richer, poor getting poorer. I'm more myself than ever, and I hate them both. The middle class is remedial. It's where you learn to be in between. I've been going on 5 hours sleep. Don't mind me. I don't know what I mean, but I'll get time off for the time I've served. C'était les 13e positions anglophones et francophones. Dans quelques instants, on entend les 12e. En fait, on va entendre des 12e aux premières et une entrevue avec une personne bien particulière. Ouais! À 17h35, j'ai en ligne quelqu'un de bien particulier que je vais avoir en ligne tout de suite. Bonjour, est-ce que Mathieu Plante est là? Hey! Bonjour, Monsieur Plante. Allô, bonjour, ça va bien? Oui, vous? Très bien. Je suis avec des fins fonds des bois du boulevard Saint-Jean Trois-Rivières. Ben oui, on entend ça. Ton cellulaire sonne assez particulier. C'est ça, le sien, ça rend pas jusqu'à l'heure, on dirait. Ben oui, c'est comme... Pardon? Vous êtes... On a entendu juste bleu. Bleu, bleu, bleu, vous êtes bon. Ah, ben merci beaucoup. Ah, merci. Ben, on dirait que j'ai vraiment l'impression de parler au robot dans Perdu dans l'espace. Ben oui, danger, ouais. M. Robinson, danger. Non, c'est moi, c'est pour ça. Allô, je suis Mathieu Blanc. Vous auriez pas trop de moi? Non, mais juste assez, en fait. Non, mais on est content que tu nous appelles. C'est pas de l'émission. Pardon? qu'est-ce que vous allez faire d'ici la fin de l'émission? Ben, d'ici la fin de l'émission, c'est certain qu'on va évidemment faire jouer les 15 meilleures chansons de l'année. Hein? Mmh, oui. Puis, mais moi, je voulais savoir, comment se passe ton déménagement jusqu'à maintenant? Est-ce que ça avance comme tu veux? Oui, on est rendu à déménager les choses. On est parti chercher un Weezer. Et que vous êtes allé chercher un Weezer? OK, d'accord. Et pourquoi tu as déménagé aujourd'hui? Tu n'as pas attendu au premier? Parce que tu avais l'appartement tout de suite? Ou? Oui, l'appartement, je l'ai de 22. Je voulais faire ça pour pouvoir libérer. Alors, si pour les amis qui ne parlent pas martien, Mathieu voulait déménager aujourd'hui parce que l'appartement était déjà libre. Je pense qu'il vient de dire qu'il désire quelqu'un. Mais je suis pas certain. Ou c'est un chat. Je pense qu'il vient de voir un chat. Ah, là, il parle une autre langue. Eh, c'est le fun, Mathieu, on t'aime, hein? On s'ennuie plus tant que ça. Oh, je vous adore, le gars, vous allez faire très bien ça jusqu'à la fin. Ben, merci beaucoup. Écoute, nous autres, on te souhaite une très bonne fin de déménagement. Et surtout, si t'es capable, si t'as le temps de venir nous voir d'ici la fin de l'émission, ça serait bien le fun parce qu'on pourrait plus t'entendre que maintenant. Exactement comme je disais. Hey, c'est parfait. Salut, Mathieu, bonne chance. Mais non, la ligne a même coupé tellement le signal n'est pas bon. Ah, c'est excellent. C'était Mathieu Plante qui nous appelle du fin fond du désert de l'Afghanistan. Oui, c'est ça. Lui, il est en stage là-bas. Il apprend comment faire pour nourrir les lézards. Oui. Là-bas, il y a beaucoup de lézards qui meurent de faim. Alors, Mathieu va faire de l'aide humanitaire là-bas. Mais il va peut-être revenir la semaine prochaine. Là. Oui, on attend des nouvelles de lui. Soit dans un morceau ou en morceau desséché qu'on remet dans l'eau. Oui, tu le remets dans l'eau 2 heures, puis il revient à sa forme normale. DJ King King Fanfan, qu'est-ce qu'on s'en va écouter? En 12e position, Pauly avec Superhuman. Humain. C'est ça. C'est un excellent français. Super humain. Je te donne des points, on checkera ton anglais tantôt. Francophone et anglophone qu'on vient d'entendre. C'est ça? C'est exactement ça, Jack. Si c'est beau, c'est... On voit que vous avez déjà un lien de connaissance entre l'un et l'autre. Vous parlez ensemble dans le même temps. Ouais, mais moi, je suis pas DJ. Non? Non. DJ King King, King King King. Ah! Hey, t'es là. Que ton nom est pas facile. DJ King, ouais, j'aime bien. DJ King, ok, ouais. On va regarder ça. Ne pas confondre avec Stephen King. Stephen King est ton auteur à succès. DJ King est notre acolyte. Exactement. Ouais. Ok. 12e position, on disait, du côté anglophone. Oui, 12e position côté anglophone. On vient d'entendre Disco Ensemble avec We Might Fall Apart. Et en 12e francophone, c'était Polyp avec Super Humain. Ouais, le palmarès de C'est fou n'est pas que les chansons que l'on vous fait entendre. Non, non, non. Il y a aussi une bonne part de top 10 et de top 3 d'électronique, de musique lourde et de disques canadiens. Et on va commencer avec DJ King qui va nous parler du top 10 électronique. Et les nouvelles entrées en 8e position, Underground, Faithless, Flow Collective, volume 3, artistes variés. Et les trois premières positions, en 3e position, DJ Eden avec The Later After. Ça, c'est un autre DJ, man, qui fait compétition. Ouais. En 2e position, nouvelle entrée, Victor Bermond, Arriving at Night. Et en 1ère position, Ab Ovo avec Movement. Simon, le top 10 loud. Ouais, ben les nouvelles entrées, il n'y en a qu'une cette semaine. C'est King Diamond avec Give Me Your Soul, Please. Please. Ben, il y a 2-3 petits points, hein, faut le faire. Ouais. Troisième position, il était en 8e position la semaine dernière. Brief Respite. Mm-hmm. C'est le même que ça se dit? Troisième, ça? Brief Respite. Ouais. Brief Respite. Unevenness. Unevenness. Unevenness. C'était tellement bon en anglais. Deuxième position, encore une fois cette semaine. Céphalique Carnage avec Xenosapien. Et première position, Megadeth avec United Abominations. Et le top 3 des disques canadiens les plus courus, assez fou cette semaine. Troisième position, c'est Feist avec The Reminder. Deuxième position, c'est Grow Up and Blow Away de la formation Metric. Et pour une 74e semaine en ligne, je sais pas, mais... Sixième. Ah. Pascal Picard avec l'album Me, Myself and Us qui trône au sommet des palmarès des disques canadiens. Oh que oui! Il ne fait que ça. Ils ne font uniquement que ça. J'ai hâte, je vais probablement aller voir ce qu'elle fait à l'art vocal. Je l'avais déjà entendu, mais j'aime pas beaucoup ce qu'elle fait. Non. Mais c'est ça qui est bizarre, parce que tout le monde aime ça. Fait que je me dis, je vais aller voir en show, puis peut-être que je vais finalement comprendre. Je ne l'ai jamais vu en show. Probablement que là, vu qu'elle elle fait la promotion de son disque, parce qu'évidemment, quand un artiste s'en va en tournée, c'est à peu près toujours pour faire la promotion du disque qui vient de sortir. Oui. Mais de sources sûres, de gens très près de moi, quand elle fait des shows dans des bars, elle fait du System of a Down, elle fait du Metallica, elle fait tout ce qui brasse. Là. C'est une fille de bar, mais tu sais, évidemment, elle a son style à elle pour les shows. Mais quand elle se donne une prestation privée, là, ça brasse, une affaire épouvantable. Ça. Ah ouais. Ouais. Ça doit être le fun. C'est paraîtrait que c'est quelqu'un à voir absolument parce que elle est à voir absolument. Ah. Parce que c'est une fille. Puis au palmarès, on aime ça, les filles. Moi, parce qu'on est pas mal de la voix masculine, n'est-ce pas? Ouais. Parce que sinon... Caroline, t'es où cette semaine? Je sais pas, moi, je l'ai jamais vu, Caroline. Je sais même pas... Elle est très jolie et très sympathique. À tout pour elle. Si elle écoute présentement, j'aimerais savoir que je peux être son futur mari. Ah ouais? Ouais. Chanceux. On s'approche dangereusement. J'adore cette expression-là. On s'approche dangereusement de 18h et on s'approche aussi des premières positions. 11e cette semaine en francophone, Alpha Rococo avec Paradis Artificiel. Oh, Paradis, 11e position cette semaine. En anglophone, c'était Klaxons avec Two Receivers. Et juste avant, c'était Alpha Rococo avec Paradis Artificiel. Et j'ai un message d'une personne qui a déjà été très, très importante au palmarès. Et c'est Juliette. Le palmarès de CFOU 89.1 avec Simon, DJ King et Jack en remplacement de Mathieu Plante. Ça prend 3 gars pour remplacer Mathieu. Merci beaucoup, Juliette, de cette intrusion, de cette incartade dans le palmarès. Elle a tellement une voix là, sensuelle, cette Juliette. Sensuelle et mielleuse. Oui. C'est très, très joli. C'est quelque chose à voir et à entendre absolument. Qu'est-ce que t'en penses, DJ King King? Oh, je suis... T'es chaud. On est à 2 minutes de 18h et on a fini le premier bloc de 5 positions dans chacune des langues. Est-ce que DJ Simon... Parce que... Moi, c'est juste Simon, c'est correct. Puis toi, c'est pas juste King. Non, c'est DJ King. Est-ce que Simon voudrait nous nommer les 5 premières, les 5 positions francophones? Oui, Simon va le faire. En 15e position, nouvelle entrée cette semaine, on avait Olinéa avec l'âme de fond. 14e position qui passait de la 11e à la 14e cette semaine avec Jacques Mort, Biscuit Chinois. 13e position, on avait Zébric avec Toi. Et 12e position, on avait Polype Superhumain. Et finalement, 11e position, on avait Alpha Rococo avec Paradis Artificiel. Je t'interromps. Hein. Oui. Il faut prononcer Alpha Rococo. Alpha Rococo. Comme un perroquet. Coco-Rococo. Alpha Rococo, dit. Et merci, Simon. Et on va donner tes pilules. Merci. Et puis pendant ce temps-là, on va passer la POC à DJ King. 15e, les 15 à 11e. En 15e position, une nouvelle entrée, Two Hour Traffic avec Nightwalk. En 14e, Data Rock avec Fafafa. En 13e, Fort Pierre avec Employed. En 12e, Disco Ensemble avec We Made Fall Apart. Et en 11e, Klaxons avec Two Receivers. Merci beaucoup, DJ King. Ça m'améliore. Ouais. Un peu plus tard dans l'émission, évidemment, les positions 10 à 1 francophones et anglophones. Et aussi, le coureur de la semaine. Cette semaine, c'est une formation qu'on connaît déjà très, très bien, qu'on ne nommera pas. Il faut garder le suspense jusqu'à la fin. Le palmarès de CFOU 89.1, une présentation du palmarès de CFOU 89.1. Et de 3 gars qui remplacent Mathieu. Oh yeah! Deuxième heure du palmarès, c'est fou, 89 ans. FM. Yeah. Ouais, on est 18h02, et c'est maintenant l'heure de passer à la deuxième partie du palmarès, qui est très semblable à la première, sauf qu'on rajoute 5 à toutes les positions qu'on a fait jouer. Ouais, c'est exactement ça. Ce qui est beau là-dedans, c'est que si le palmarès durait 4 heures, eh bien, on aurait des positions 15 à la position moins 5. Non. J'adore les punchs musicaux qui viennent mettre de l'emphase sur mes désirs. Non, mais c'est... Ah, ça, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Commençons tout de suite, avant que je ne m'enfonce plus profond dans la niaiserie. Ouais, t'as eu une grosse journée. Hein? Ah, j'ai une grosse journée, puis j'ai une grosse fin de semaine qui s'en vient. Ouais, moi aussi. Ce soir, je travaille jusqu'à 3h30 du matin. Oui, demain, mais... je travaille de 1h de l'après-midi jusqu'à 3h du matin. Ah, c'est... Ouais. Et dimanche, ben... je planifie mon retour à l'école. Ouais, ça passe des choses dans ma vie. Ouais, ouais. C'est palpitant. Ben, moi aussi, je fais des petites choses. Là. Je me jette un bar. Ouais, mais parle. On fait pas de la pub, on fait pas de la promo gratis, mais quand même, un animateur d'une émission qui s'achète un bar, faut resto, quand même en parler un peu. Là. Bistro, café, resto, bar. Pourquoi? C'est un deal, c'est un add-on, c'est un coup de tête. Okay. Mais c'est malade. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis addon? C'est des amis qui étaient en groupe pour acheter. On est plusieurs. Okay. On est plusieurs actionnaires là-dedans. Puis quand la date approchait, il y en a certains qui ont décidé de quitter. Ah. Et là, ils cherchaient d'autres actionnaires qui pourraient prendre la place. Puis l'équipe s'est reformée. Le groupe a complètement changé là, depuis le début qu'ils ont commencé ça. Vous êtes combien? 5. OK. Puis... est-ce que vous avez tous contribué à part égale? Oui. OK. Est-ce que c'est indiscret de demander combien? Oui. OK. Mais c'est un bon montant? Est-ce que ça fait un trou dans ton budget? Oui, bien, c'est sûr. On est étudiant, tu sais, quand même. on n'aurait pas pu être deux, je pense, là, surtout étudiant. Puis là, il va falloir mettre du temps là-dedans. Puis on en met déjà beaucoup, puis je commence à être brûlé, justement, aussi. Est-ce que les tâches sont réparties? Est-ce qu'il y a un qui est plus chef que les autres? Ou est-ce que tout le monde est sur un pied d'égalité, puis vous espérez qu'en étant cinq, ben, il y a toujours une majorité qui l'emporte? Il y en a un qui va sûrement sortir du lot un moment donné. Ça verra toujours un leader. Oui. Mais on gère ça un petit peu comme une association étudiante. Une coopérative? Ouais, un petit peu. Ben, en le fond, on vote, puis c'est ça. Des décisions, mais ce qui est important là-dedans, quand tu te lances comme ça avec plusieurs personnes, c'est de décrire tout, puis de faire un contrat d'actionnaire qui va faire en sorte que peu importe ce qui va arriver, ça va être écrit, puis c'est ça les conséquences qui vont être faites. OK. Fait que ça, c'est bien Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'exclusion d'un des actionnaires? Ça peut aller jusque-là. Ah ouais? Ben oui, oui. Avec remboursement de sa part ou vous gardez? C'est là qu'on décide. Dépendamment de la gravité de la situation. Ça, exactement. Okay. C'est bon. Mettons, je vends mes parts, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un autre peut les racheter? Il y a deux parts? Ou, tu sais, c'est toutes ces choses-là qu'il faut régler avant que ça se produise. Oui, c'est comme quand on dit « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est très, très, très vrai, surtout en entreprise. Oui, parce que en affaires, il n'y a pas d'amis. C'est ça. T'as beau t'entendre super bien avec les personnes avec qui tu t'en vas en business. Un moment donné, t'en découvres un qui est plus requin que ce que tu pensais. Ah ouais, c'est fou, là. C'est ton argent qui est là et t'agis plus de la même façon. C'est bien spécial. C'est le fun, félicitations. Oui, merci. Moi, personnellement, je te souhaite la meilleure des chances pour ton entreprise et puis je te souhaite que ça marche là, quand même. Ben, ça va marcher, on va t'inviter. Est-ce que c'était un endroit qui était sur le déclin ou ça allait bien puis vous l'avez acheté ou vous relancez complètement un nouveau concept? Ça faisait faillite. Mais c'est à cause de la gestion. C'est pas parce qu'il y avait des gens, ils faisaient de l'argent. En tout cas, il y a eu de la fraude. Puis tout. Des crosses? Ouais. Ah, d'accord. Fait que des fois, ça l'aide pas. Ben, je te souhaite sincèrement que ça fonctionne comme tu veux. Merci bien, Monsieur Jack. Et sortons un peu de ce morceau sérieux. Oui. Parce que, vierge, il n'y a pas que du sérieux dans le palmarès. Non. 10e position francophone, on est rendu là? 10e position francophone, la Baroque Machine. Avec Robot Academy. Et en 10e position anglophone? 10e position anglophone, on a Megadeth. À tout le monde. Exactement, c'est à tout le monde. Jusqu'à 20h, c'est le palmarès C'est Fou 89.1. En direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Sur le campus de l'UQTR. Est-ce que tu bien dit? Faut que tu fasses une phrase carrément R, DJ King. Ah, je sais plus, là. Je sais pas. Ton inspiration est partie hier. Non! Sympathique à la une.

On vient d'entendre les 10e positions francophones et anglophones. Metallica à tout le monde. Quoi? Ah ouais, Metallica, Megadeth. Ouais, c'est tous des groupes qui commencent par un ça, M qui sont méchants. Ouais. C'est tout pareil, là, ça, Voivode et compagnie. Là. Ouais, bon, on va aller... Allez, le Five, s'il m'écoute, il doit être en fusil. Ah ouais, là. Il doit pas aimer ça, il va t'appeler, là, il va te dire « Hey! » T'es éclairé. Attention. On te coupe ton salaire. Ouais. On va t'enlever ta cravate. Tu vas commencer à nous payer pour venir. Puis du côté francophone, on avait la Baroque Machine avec Robot Academy. Qui est là depuis seulement 2 semaines. 2 semaines! Et ils montent, et ils montent, et ils montent. Ben, c'est le fun pour eux autres. Ils sont bien fins, ça. Parce que si c'était pas là, ils seraient pas là. Hey, toi, là. Toi, t'as à soir, mon gars, là. T'es en feu, là. Hey, j'ai des grosses semaines, là. Ouais, je comprends. Je suis pas 100% là tout le temps. J'ai envie de vous parler du top 20 des albums les plus écoutés dans le monde. Mais ça, là, c'est juste toi qui fais ça. Ouais, je sais. Fait que fais-le. Allez. Les albums les plus écoutés dans le monde, seule nouvelle entrée cette semaine, c'est Brad Paisley avec Fifth Gear qui rentre en 20e position. Les 5 premières, Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers qui est là pour la 57e semaine sur le top 20. C'est bon cet album-là, j'ai juste entendu. Il a quand même gagné le Grammy du meilleur album rock. Ouais, c'est pas pire. C'est pas juste un Grammy. Le jour où je vais gagner un Grammy pour. Tu sais, même pour meilleure jambette de l'année, là. Ouais. Je serais content d'avoir un Grammy, moi. Ouais, j'avoue. Un Grammy. Quatrième, Bon Jovi avec Lost Highway, qui était en 10e la semaine dernière. Maroon 5 avec It Won't Be Soon Before Long, qui était en 3e la semaine dernière, commence déjà à descendre. Linkin Park avec Minutes to Midnight en 2e, c'était la première la semaine dernière. Et la grosse nouvelle première position, c'est The White Stripes avec Icky Thump. C'était en 87e la semaine dernière. Caroline! Mais j'ai perdu beaucoup de respect pour les White Stripes il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce que il y a une animatrice d'une émission musicale à Chicago, si je ne m'abuse, qui a reçu l'album des White Stripes faisant partie des couvertures de presse. Là. Ouais. Elle a fait jouer dans son intégralité. Elle a dit « Une fois, je fais jouer l'album de A à Z pour faire partager aux auditeurs tellement je le trouve écœurant, l'album. » Ah ouais, OK. Jack White a appelé et il était en tabarnak de pouvoir d'entendre ça. Il a fait des menaces, il l'a appelé, t'es en train de tuer l'industrie de la musique, tu mérites pas d'avoir ta licence de DJ, de musique. Puis il était sur le bord des larmes, puis il capotait, puis grosse affaire. Puis il l'a engueulé comme du poisson pourri. Alors que elle, son but, c'était de faire jouer l'album une fois, probablement parsemé de « You're listening to KUHYFFM » pour que le monde se le copie pas. Là. Ah ouais? Mais non, ça a l'air qu'elle était en train de tuer l'industrie de la musique. Hey, il devrait plus faire de jouer de musique à la radio, ça veut dire, selon Monsieur White. Ben, lui, ce qu'il disait, c'est qu'elle a fait jouer l'album avant sa sortie. Mais, lui, il pète une coche parce qu'il sort avant, parce que l'album est disponible. Elle fait jouer l'album avant sa sortie. Et qu'est-ce que j'ai vu la semaine dernière, parce que l'album sortait mardi passé. Ouais. Depuis dimanche passé, l'album est disponible au complet en téléchargement sur Much Music, MTV.ca. Ah ouais. Il appelle pour péter une coche parce que l'album est à l'avance. Ouais. Puis l'album est disponible à l'avance, ailleurs. Ouais, à l'avance un petit peu après, par exemple. À l'avance, 2 jours avant. Ouais. Mais quand même à l'avance. Ouais, mais ça, c'est un artiste aussi, là. Ouais, les artistes sont particuliers des fois, mais pas tout le temps, là, je veux dire. Mais on est des artistes, nous aussi, et c'est ça pourquoi on est fucké des fois. Ouais, mais toi, t'es fucké. Depuis que je te connais, t'as toujours été un petit peu bizarre dans ta tête. Un petit peu comme les hand claps. Les N place. Qu'on entend, la 9e position. Oh, hey. DJ King vient de se réveiller. Ah! Les clashs. Que mon plastique est chic. Chiche, mon plastiche est chiche. Chacun son échec en check. Chiche, mon plastiche est chiche. Chiche, mon plastiche est chiche. Chiche, mon plastique est chic. Chiche, mon plastiche. Chiche mon pastiche et chiche chique mon plastique et chique chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche chique mon plastique et choc électrochoc je me choque. Maybe I'll

this way for so long. Tiger Army, 9e position avec Pain. Oui, monsieur, juste avant, on a eu la 9e position en francophone, c'est-à-dire les hand claps avec pastiche. Pastiche, je me suis pas sérieux, le pastiche. Le pastiche? J'adore. Je suis allé au cinéma hier. Non. Chose que depuis que je suis étudiant, je n'ai plus beaucoup fait souvent parce que souvent c'est cher. Ouais. Et là, ça te coûtait rien, je pense. Ça m'a coûté absolument rien. Je suis allé voir les Transformers, l'avant-première du super splendide film Les Transformers. Ouais, ça a l'air fou, là. En fait, premièrement, c'est de Michael Bay, monsieur qui nous avait sorti le film de 3 heures là, avec l'armée là, qui est la... qui était si. Pas Guantanamo Bay, là, mais parce que je veux le dire, je ne l'ai pas devant les yeux. Film sur la Deuxième Guerre mondiale. La mince ligne rouge? Non. On reviendra là-dessus tantôt. Celui avec Tom Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ah oui. Michael Bay c'était avait fait Pearl Harbor. Moi, j'ai pas... tellement trippé sur Pearl Harbor. J'ai pas vu le film. Ok, ben c'est long. Je trouve ça long. Mais c'est 3 heures. Histoire d'amour puis tout. Mais Transformers, c'est l'histoire. On reprend l'histoire classique des Transformers pour ceux qui ont connu ça dans les années 80. C'est-à-dire ces deux gangs de robots, les bons et les gentils, qui viennent faire la guerre sur Terre parce que leur planète est en danger puis que les méchants veulent prendre le contrôle d'une autre planète puis les gentils empêchent les méchants de prendre le contrôle d'une autre planète et ça donne que c'est nous. Mais dis-moi si je me trompe, les bons robots, là, ouais. Ils sont pas sur Terre, ils vivent pas sur Terre, comme? Ça serait un des punches du film, si je te dirais. Mais c'est plus leurs origines, je te dirais, le film. Okay. On dit d'où ils viennent un peu, puis c'est la première bataille qu'il y a là sur... Ah, donc des suites. Probablement, parce qu'évidemment, c'est tiré d'une bande dessinée, d'un dessin animé. Ouais. Donc nécessairement, on ouvre toujours... On ferme jamais la porte à des suites. Je dois leur donner un 10 sur 10 sur le visuel. Ah, ça avait de l'air de ça aussi, c'est sûr. C'est un film de 2h15, avec à peu près 40 minutes de bataille finale. Calme-moi. C'est. Et en effet spéciaux, ça doit être fou. Ça a dû coûter une beurrée en effet spéciaux. Ce que j'ai adoré, c'est que les personnages principaux sont tous là. Ce que j'ai eu plus de difficultés, mais ça, c'est juste mon côté nerd qui parle, c'est qu'ils ont traduit les noms en français. Ils ont pas traduit les noms en français, excuse-moi. Okay. À la base, il y avait Bourdon. Et bien là, il s'appelle Bumblebee. Optimus Primus s'appelle Optimus Prime et compagnie. C'est-tu mal traduit en français? Tu l'as vu en français? Je l'ai vu en français. C'est très bien traduit. C'est traduit au Québec. Okay. Il y a des voix qu'on reconnaît. C'est le fun. Pas Yves Corbeil? Je l'ai pas entendu. Je pourrais pas dire qu'il l'a pas, mais je l'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué Bernard Fortin non plus. Ah, ce qui bon. Est une bonne chose. Par contre, dans la version originale, celui qui fait la voix d'Optimus Primus, ouais. C'est celui qui faisait la voix dans les dessins animés. Non. Ils sont allés le rechercher. Hey. Au grand bonheur des gens qui sont... qui sont fans de la série. Côté scénario, c'est rien, là. C'est vraiment un prétexte à voir des combats de robots dans un centre-ville pendant une demi-heure de temps. Malade. Mais c'est... Visuellement, j'ai absolument rien à redire. Même les autos sont adaptés à aujourd'hui. Ce que j'ai moins aimé, c'est un peu le placement publicitaire. Par exemple, okay. Bumblebee ne parle pas. Qui, okay. L'espèce, à la base, c'était une petite Volkswagen, une coccinelle dans les séries. Là, c'est une Camaro de cette année, okay. Jaune, avec les stripes noires comme ouais, on veut. Celle qu'on voit dans le film. Dans les bandes-annonces. Ouais, dans les bandes-annonces. Exactement. Ouais. C'est ça que je voulais dire pendant le film. Ouais, c'est mais, ce que je voulais dire ou tu me niaisais. Non, sauf que ce que j'ai pas aimé, c'est le placement publicitaire qu'il y a dans ce film. Okay. Il y en a à... longueur de film. C'est sûr, c'est des gens qui ont investi pour le film. Ouais, il faut mais, que tu payes ça. Tu sais, quand tu dis que Bumblebee ne parle pas du film, ouais. Il ne s'exprime que par XM Radio Satellite. Ouh. Il va chercher des extraits de phrases dans des chansons mais voyons pour parler. Donc. Ça, c'est bien pensé. C'est hot, ça. Ouais. Mais c'est l'espèce de plug de XM Radio Satellite au début de la première fois qu'il parle. À un moment donné, ils vont chercher une carte mémoire où est-ce que tu vois très très bien en gros plan. Là, c'est un écran de cinéma, là, ça fait comme 75 pieds de large, 42 pieds de haut. Là, et chacune des lettres de Panasonic fait comme 12 pieds de haut chacune. Calvin! Bon, regarde. C'est un film à gros budget. C'est, ouais. C'est sûr que tous les films ne sont pas encore sortis cet été. Et avant que les gens se demandent « C'est-tu sorti? Je l'ai manqué. » Non, c'est un avant-première que je suis allé voir. Il sort mercredi prochain, le 3. Mais... c'est à voir. Sur un cinéma, sur un écran de maison, à moins que vous ayez un écran géant à la maison, Ça vaut pas la peine de le voir. C'est un film à voir en grande taille. Parce que de toute façon, là, si vous voyez ça à la maison, là, vous allez dire, Jack a menti, le Panasonic, là, il le paye, aura pas 12 mètres de long. Là. Jack, c'est un croche. On l'aime pas parce qu'il nous ment sur les tailles des lettres. Ouais, c'est ça. Puis là, il va falloir vraiment t'enlever ta cravate. Ah, pas le choix. Pas le choix. Ouais. On a beaucoup parlé, hein? Oui, on parle beaucoup. 5 minutes 19 qu'on parle. Ouais. C'est l'heure de la musique. Moi, je trouve que ça fait mener, là. Hein? Et lançons-nous dans les 8e positions. Francophone et anglophone. 8e position francophone, la loi des cactus. Oui. Avec Babylone Résistance, Sound System. 8e anglo. The Answer, Under the Sky. Ouais, jusqu'à 20h, vous écoutez le palmarès de C'est Fou 89.1. D'entendre notre 8e position en francophone et on s'en va entendre notre 8e en anglophone. C'est une formation qui s'appelle The Answer, Under the Sky. Je vais reprendre mon souffle avant de mourir. d'exploser et que Simon soit obligé de venir ramasser mon cervelet sur le mur, ça serait pas une bonne chose. Mais ça ferait un bon front pour le Journal de Montréal qui aime ça, le sang. Answer. The answer is the 8th position in English this week. With the song Under the Sky. And DJ King, what was the 8th in French? Hein? C'était quoi la 8e position en français cette semaine? La loi des Cactus avec Babylon Resistance Sound System. Oh yeah! Et là, il y a une position, une 7e position francophone qui s'en vient. Oui, il y a une 7e position out. Qui s'en vient. J'ai très hâte, mais pour l'instant, c'est pas ça. En fait, là, je suis juste batté parce que je sais pas ce que Mathieu met normalement comme chanson pour le coureur de la semaine. Ah! Attends, on va essayer de voir. Mets la 3. La 3e. Non, c'est pas ça. Ouais. On les passe toutes les unes après les autres. Non, on pourrait s'amuser avec ça. Pas ça. Pas ça. Non plus. Ah. Pas ça. C'est pas ça. J'aime ça. Ça? Mais ça sera ça. Eh ben, non, mais c'est... Ça? Ouais. Non, non, ça, c'est pour le palmarès, c'est pas le courant de la semaine. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Il y a non, son, je suis mélangé, moi. Il y a son thème d'émission, mais bon, on va mettre... j'aimais bien Bling Bling, t'sais. Et voilà! Excellent. Eh bien, c'est l'heure du courant de la semaine! Oui! Aucune préparation, on est techniquement parfait. Ce n'est pas non plus qu'une question de non-préparation, c'est une question de spontanéité! Exactement. Comment bien faire apparaître? J'ai déjà travaillé dans la vente, mais on dit qu'il faut tout le temps changer l'adjectif qui défavorise pour un bon adjectif qui favorise. Donc, c'est pas une question de non-planification. Mais c'est une question de favoritisme. Beastie Boys cette semaine. Oui, le coureur de la semaine. Oui, et le nouvel album s'appelle The Mix-Up. Et on a entendu un petit extrait tout à l'heure, moi et Simon et DJ King, pour être capable de savoir qu'est-ce que ça donnait. Et on a décidé qu'on ne prendrait pas celui-là. Non. Parce que ça tranche trop avec Beastie Boys. Mais on a demandé à DJ Shuffle de nous trouver une autre chanson sur l'album. Et mais c'est ce qu'on va là, entendre à l'instant. Ouais. Il y a DJ King, là, DJ Shuffle, il va peut-être pas... l'aime pas ben ben, moi. Ouais, c'est ça. C'est sa chance. C'est sa chance de se faire connaître. Okay. Si jamais il est pas capable de nous sortir quelque chose de bon, on va le clairer. Mais le coureur de la semaine est toujours une sélection de Mathieu, entre autres. Et la beauté dans tout ça, c'est que j'ai jamais entendu Mathieu faire un mauvais choix. Ah ouais? Ouais. Ah ben... C'est toujours... quelque chose de beau, d'intelligent, de sensuel et de sexy qui nous choisit. OK. Ce qui veut donc dire que je lui fais confiance à lui et à DJ Shuffle pour nous trouver un extrait intéressant. Ce qu'on va entendre, c'est donc tiré de l'album The Mix-Up des Beastie Boys. Et c'est la pièce Suco de Tangerina. Ça veut dire probablement sucre de tangerine ou je suce des tangerines. Ouais. Mais c'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol, ça c'est certain. Les Beastie Boys, donc, le coureur de la semaine, une présentation de la chanson coureur. J'ai l'impression d'être en plein dans Napoléon Dynamite. As-tu déjà écouté ça, ce film-là? Yeah. L'impression. Vote for Pedro. Trame sonore de Napoléon Dynamite. Pas grave. Suco de Tangerina. Beastie Boys, tiré de l'album de Mix Up. C'était Suko de Tanherina. Le coureur de la semaine. Le coureur de la semaine est une présentation de La Chance au coureur. Parce que La Chance au coureur, c'est une bonne émission. Qui est diffusée quand? Qui est diffusée tous les vendredis. Ouais, je sais pas si. Je me suis embarqué dans une avenue que j'ai... DJ King! Quand je veux faire une pub comme ça puis que je suis pas capable d'avoir l'heure... midi, une heure? En tout cas, sur l'heure du midi, dans ces alentours-là. On fait des recherches et on vous revient. Mathieu Plante, si tu nous entends et que tu veux confirmer, tu pourras nous téléphoner pour nous informer. Mais La Chance au coureur est une excellente émission pour les gens qui veulent découvrir des nouveaux... qui veulent découvrir des découvertes. Bravo. Ou qui veulent entendre Mathieu Plante dans une autre merveilleuse émission. Mathieu Plante est comme omniscient, c'est fou. Ouais, il est un petit peu ici des fois. Il est un petit peu ailleurs des fois. La Chance au coureur, le mardi... De 14h à 17h. C'est la rediffusion. Yeah. Et l'original est le vendredi. Il y a trois émissions qui sont rediffusionnées dans la grille horaire. J'aimerais qu'on change de sujet. D'accord. Qu'on s'en aille vers les... premièrement, on retourne à l'édition régulière du palmarès avec ça ici. Oui. On vient de se transporter dans une autre dimension. Septième position cette semaine en francophone, c'est une remontée de 5 positions. Avec, oui, 5 positions. Tiré de l'album 100% Bœuf, c'est Pepé avec Bobette Bob. Ouais, ça fait 2 jours que j'écoute son album. J'ai commencé à écouter ça. Pepé a une espèce d'énergie qui lui est propre. Oui, c'est fou. C'est hallucinant comme style musical. Ben, style musical, je pense qu'il réinvente rien, mais il y a lui. C'est lui. Oh, ouais, c'est ça. Il y a un charisme. Puis même, j'ai écouté beaucoup d'entrevues aujourd'hui. Il est tout le temps comme ça, c'est fou. Puis j'ai des questions là-dessus. On va l'avoir sûrement en entrevue cette semaine. Il vient à l'heure vocale. Oui. Et probablement que je vais pouvoir vous revenir avec quelque chose la semaine prochaine. Est-ce que tu l'interviewerais? Ouais. Oh yeah! Évidemment, faut jamais promettre quelque chose comme ça parce que il peut arriver un paquet de choses. Il peut être frappé d'une attaque de choléra durant la semaine ou tout simplement pas t'aimer la face. Ah, ça se peut. Mais il y a des très bonnes chances qu'on puisse avoir au moins un extrait d'entrevue. Au pire, dis Pépé, enregistre le show, puis arrange les mots des chansons pour que ça fasse une entrevue. Ou bien je prends plusieurs entrevues sur Internet, puis je fais mes questions, mes réponses. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Ah ouais. En tout cas, dommage. On devrait avoir Pépé la semaine prochaine. Oui, si on l'a pas, ben je vais avoir des photos pour vous. Faute d'avoir le vrai Pépé, eh ben on va écouter le vrai Pépé, mais d'une autre version. C'est une bonne façon de le dire, hein? Ouais. C'est très joli. Mais Pépé, au lieu d'être en entrevue avec nous, sera donc accompagné de ses instruments avec la 7e position francophone cette semaine. Et en anglophone, qu'est-ce qu'on va entendre? En anglophone, DJ King, hein? Yeah. Feast avec My Moon, My Man. C'est malade. T'as une prononciation anglophone exceptionnelle, DJ King. Je le maîtrise à 100%. Okay. Alors, attachez vos bobettes, ça part. Bob Bobette, au palmarès de C'est Fou. Ça arrive pas souvent que je sors pour m'acheter des bobettes. Ceux que j'ai sont tellement usés que tu me vois la caquette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon mono déborde. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bobette. Je voudrais pas vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. Je suis nostalgique de mes vieilles bobettes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bobette. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. J'attends jusqu'à temps qu'il soit usé à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon mono déborde. Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob. Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel. Oui, parce que entendre le restant d'une madame qui court après un enfant ou qui court dans la rue, c'est ça. Ouais, c'est une trame plutôt bizarre. C'était la 7e position anglophone cette semaine et c'était la chanson My Moon, My Man de Feist. Et juste avant, on avait notre charmant Philippe Roux-Pépé avec sa toune de Bobette, Bobette Bob. Philippe Roux. Ouais. Il me semble que ça sonne moins que Pépé. C'est probablement pour ça qu'il se fait connaître sous le nom de Pépé. Probablement. Parce que... Nouvelle chanson de Philippe Proulx cette semaine. C'est déjà moins vendeur qu'Éric Lapointe, mettons. Ouais, j'avoue. Déjà qu'Éric Lapointe, il commence à être vieux, là. Ouais, tu dis ça à voix haute, moi? Oui, je sais pas. Si. Et qu'est-ce qu'on a entendu avant, septième? En septième, on vient de le dire. Ouais, c'est vrai. On est rendu à six. Eh oui, qu'est-ce qu'on va entendre en sixième? En sixième, du côté francophone... Les Ghouls avec Dimanche. Et en anglophone? Anglophone. J'aime ça de faire parler en anglais. Je le sais. Ça se voit dans ma face. Métrique avec Grow Up and Blow Away. Comment c'est quoi le nom du groupe? Métrique. Ah ouais! C'est quand même bon, tu l'as eu, tu premier coup. Métrique. OK! Il a passé sa cinquième année. Ouais. Ah ouais? C'est fini. OK, ton développement psychologique, c'est arrêté là, par exemple. Ouais. La sixième année, c'était trop tough. Ben, pour être DJ, c'est en masse. Moi, ouais, ben, c'est ça. Oh, ouais. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas personne qui le prend personnel. Jack, on est tous des DJ ici. Ouais. On l'a tous déjà été un jour dans notre vie. Oui. On a tous déjà été approchés pour mettre la musique d'un party. Ouais. Au moins, tu sais. T'as donné 2-3 disques. Hein? T'as été payé, j'ai été payé là-dessus, puis lui, ben, c'est un DJ. Et voilà. Et voilà. Mon payé, ce n'est pas. On commence-tu à mettre de la musique? C'est numéro 6. Les deux, les autres sont drôles. Ouais, en spectacle aussi, ça paraît que ça déménage. Et ils sont malades. Le palmarès de C'est Fou 89.1 avec Simon, DJ King et Jack en remplacement de Mathieu Plante. Ça prend 3 gars pour remplacer Mathieu. Grow up and blow away. Jusqu'à 20h, c'est le palmarès, c'est fou! 89.1! Dans quelques instants, ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on va entendre. On vient de finir la première, deuxième heure du palmarès. Et on va récapituler ce qu'on vient d'entendre parce que faut quand même qu'on sache ce qu'on a entendu. On récapitule ça du côté francophone. DJ King va y aller avec le francophone, tiens, faire l'alternance. Oui, on va l'aider. Donc, en 9e position, oui. Les Hand Claps avec Pastiche. En 8e position, La Loi des Cactus avec Babylon Resistance Sound System. En 7e position, Pépé avec Bobette Bobs. Et en 6e position, Les Ghouls avec Dimanche. Simon, anglophone. Oui, c'est toujours magnifique quand il dit ces choses. J'adore ça. 10e position, côté anglophone, on avait Megadeth avec À Tout Le Monde. 9e position, on avait Tiger Army avec Pain. 8e position, on avait The Answer avec Under the Sky. 7e position, on avait Feast avec My Moon, My Men. Et finalement, ce qu'on vient d'entendre, Metric avec Grow Up and Blow Away. On continue tout de suite sans plus attendre pour la dernière partie du palmarès, les 5 plus hot positions franco-anglo. Et j'ai bien envie de partir ça tout de suite avec la 5e position francophone, la formation qui est sur le palmarès qui, selon moi, a le nom le plus évocateur et provocateur. Ah ouais, c'est les parfait. Les prostituées, j'adore le nom de la formation. C'est ça! Grip on. Cinquième position, oui. Pascal Picard avec Smiling au palmarès de C'est fou. 89.1. Et la sixième position, voyons. Cinquième. En francophone, c'était quoi? Cinquième position, les prostitutes avec Goûte à mon bubblegum. J'adore les prostitutes. Ah, ouais, c'est très drôle. Style musical, c'est une chose, et l'image qu'ils projettent avec leur titre et leur nom de groupe, c'est... C'est parfait. J'adore la pochette, en tout cas. Pour ceux qui l'ont à la maison ou qui l'ont pas, allez voir ça, ça vaut la peine. Oui, effectivement. Ceux qui regardent dehors et qui se pointent le nez à l'extérieur et qui font comme « Ouh, c'est pas beau! » Effectivement, ça vient de se couvrir sur Trois-Rivières dans la dernière demi-heure. Ouais. Une petite vague de froid qui passe qui va probablement amener des orages. C'est ce qu'Environnement Canada nous prédit. 40% de probabilité d'averse et d'orage ce soir. Ça veut dire qu'on est dans un anticyclone qui fait en sorte que le vent vient plus du nord. Donc, cet anticyclone-là devrait passer et finir mardi. Donc, on va retrouver de la chaleur mardi. Est-ce que t'es en train de nous bullshitter ou... Non, c'est ce qu'une madame m'a dit hier. Ah ouais? Elle doit être une pro de la météo, là. Elle doit écouter ça comme ma mère à toutes les semaines, tous les jours. Ma mère, elle l'écoute à toutes les 45 minutes. Sérieusement, j'en ai perdu. Hein, parce que dans le temps, je faisais les prédictions météo du palmarès, dans le temps qu'il y en ça avait être terrible. Plus que ça. J'avais commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Là, je le perds avec le temps. Là. Mais des systèmes dépressionnaires. Mais oui, c'est quelque chose de le fun. Ouais. Mais pour la fin de semaine, par contre, ça reste du beau temps. Les gens qui s'étaient planifiés une petite sortie pour aller fêter le Canada et ou le déménagement et ou aller au Festival de l'art vocal. Eh bien, samedi, maximum de 20 ensoleillé. Dimanche, maximum de 20 alternant soleil et nuages. Et lundi, pour les gens qui sont en congé à cause de la fin de semaine de la Confédération, eh bien, c'est alternance de soleil et de nuages aussi. Maximum de 20, 21, 22, 20, 21, 20. Ça tourne autour de 20, là. Ouais, c'est quand même bien 20. Je pense qu'on peut avoir une fin de semaine pratiquement parfaite avec ça. Là. Et moi, j'ai manqué les orages d'avant hier, par contre. Ça aurait été... Je suis rendu à Québec. À Québec, ils nous annonçaient des orages, des cellules orageuses très impressionnantes. Oh oui. Je les ai pas vus passer. Pas en tout. Ah non? Je suis seul à pas les avoir vus passer. Tout le monde les a vus, sauf moi, j'étais à l'école. Ah, ah, ah. Mais c'est pas grave, t'as pas manqué tant de choses que ça. Non, je vais juste être avoir des cicatrices psychologiques qui resteront pour l'éternité. Mais une de plus, une de moins. Rendu là, on n'est pas à une près, là. La quatrième position francophone. C'est oui. C'est une remontée de trois positions pour Air, qui est une formation que j'adore. J'ai un de leurs anciens albums, qui est Le soleil est près de moi, si je ne m'abuse, que j'écoute régulièrement dans mon iPod. Okay. Et puis, ce disque-là, il va falloir absolument que je me le procure. Un nouvel album, Pocket Symphony. Et quatrième position, en anglais, qu'est-ce qu'on va entendre? En anglais, qu'est-ce qu'on va entendre? Quatrième position, c'est The Fall of Troy avec Cut Down All the Trees, qui était en cinquième position la semaine dernière. Qui était en cinquième position cette semaine? Cinquième position la semaine dernière. Ah ouais, j'ai eu peur. En quatrième. Mais non, je suis Jack, je suis. En passant, Pascal Picard avec Smilin, c'était en première la semaine dernière, ce qui veut dire qu'on a assurément une nouvelle position en anglo cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec le franco? Restez! Parce que le palmarès de C'est fou 89.1 se poursuit jusqu'à 20h avec Simon, Jack et DJ King. Moi, j'attendais que vous vous nommiez vous-même, ben oui. Mais bon, la merde, vous êtes pas, vous avez pas de sens radio pour Saint-Saëns. Je vous aime. Merci. Mais non, c'est vrai, vous avez un sens radio, là. C'est juste que, tu sais, vous prouvez pas que vous l'avez. Ah non, je vous aime. Vous êtes bon. Vous êtes sympathique. On est-tu à radio? Ben oui, on est à radio. Hein? Ah, il y a un masque qui vient de rentrer dans le studio. ça fait peur quand ça fait peur par où ça passe. The Fall of the Troy avec tiré l'album Manipulator. C'était la quatrième position anglophone cette semaine avec Cut Down All the Trees. Il y a plus de mots que ça, mais ils sont pas listés partout sur la pochette. Cut Down All the Trees and Name the Streets After Them. Ah, c'est donc bien bizarre. Coupez tous les arbres et donnez le nom des arbres aux rues que vous allez remplacer les arbres par. Pas sûr que c'était ça exactement. Là. C'est pas la plus belle façon de le traduire. Non, moment. Mais pourtant, t'es bon d'habitude là-dedans. Toi. Ouais, je sais. C'est couper tous les arbres et donner aux rues les noms des arbres. Ah, OK. C'est vraiment des beaux mots. Et c'était Maire du Japon de la formation Air en quatrième position. C'est une remontée de 3 places, logée de la 7e à la 4e. Ah, oui. Ouais. Ça en passe des choses dans une journée, hein. Hey, tu sais où est-ce qu'on est rendu, là? On est rendu pas mal au troisième. Oui, le décompte, les trois premières. Mais avant, Simon voulait nous parler un peu d'art vocal aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui, c'était hier, le lancement officiel du Festival de l'art vocal à Trois-Rivières. Ouais, il y a quand même quelques formations intéressantes. Il y a du stock bien bon. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. As-tu eu le temps de regarder un peu? Étant à Québec, présentement, c'est le festival d'été, puis c'est Woodstock en Beauce qui capte toute mon attention. Alors, je compte sur toi pour m'en apprendre. Je vais le faire. Mais je vais parler un petit peu de qu'est-ce que ce soir. Ouais. Si là, il n'y a pas d'orage, je sais pas s'il y a des orages, ça va peut-être un petit peu gâcher la soirée. Hein. Premièrement, un orage, ça dure jamais pendant toute une soirée. Ça passe comme 15 minutes. Mais malgré que les dernières qu'on a eues, là, ils ont duré longtemps. C'est exceptionnel. OK, là. Bon. Parfait. C'est pas que je veux absolument que te boucher, mais... Non. T'es meilleur que moi en météo, là, même si je connais les anticyclones. Ouais, c'est ça. Continue. Ouais, ce soir, c'est ça, on est en première, à 21h, en première partie des trois accords. Il y a le Malajube. Ça, c'est sur la scène Molson Drive. Ça, c'est la scène la plus loin, probablement, où il va y avoir Good Charlotte pis tout. Ah, oh, ouais. Là, après ça, là, on est rendu 7h30, 20h, il y a Chinwico. Chinwico est une voix à découvrir. Cette artiste talentueuse fut lauréate de nombreux concours internationaux. C'est toujours des artistes à découvrir de toute façon. Ben oui. Puis au Maquisard, on a Tagada Jones à 21h. Première partie de. Leur première partie est assurée par The Truckers. Puis vite fait, demain, ça c'est le gros show de l'art vocal où ils vendent les billets. Puis c'est complet depuis longtemps, hein, DJ? Exactement, c'est... Mais DJ King, lui, va probablement faire la sécurité à ce spectacle. Alors, si vous voulez me rencontrer, je serai présent. Essayez de me trouver. Ben oui, ouais. Essayez. Alors, essayez de trouver DJ. Et pendant le spectacle de Good Charlotte, en première partie, il y a Alexis on Fire. C'est à 18h30. Alexis on Fire, ça, c'est... C'est un groupe qu'on voit de plus en plus, je pense. Ouais, puis c'est bon ce qu'ils font. Ah oui. Puis plus tard, ben là, ça marche pas leur affaire. Là. Ah moi oui, ça. Ah là, c'est parce que t'as quatre groupes en fait. T'as Guttermouth aussi, puis t'as Faber Drive. Donc, pour les autres choses, ben là, vous pouvez aller voir sur le site internet qui est très bien fait. Là. C'est comme tout des mots, puis tout. Fait que c'est comme tout des mots. Ah ouais, c'est vraiment bien monté. Plein de mots à bonne place et juste rappeler que pour la fête du Canada. Ouais, merci beaucoup. Ça sera gratuit pour tout le monde. Eh bien, c'est merci. De rien. J'ai envie de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai envie de couper le palmarès en deux. OK. Avant d'entamer les troisièmes positions, j'ai envie de rendre hommage à un groupe qui sera sur une scène ce soir. Oui. Malajube. Yes, sir. jupe avec le métronome sur les ondes de Sifu 89.1. Et aussi sur le terrain de l'art vocal au centre-ville ce soir à 21h. Ce soir à 21h. Première partie des trois accords. Et tu savais que Malajub avait été connu comme ça à cause des premières parties qui faisaient des shows des trois accords. Ben oui, mais c'est une excellente façon de se faire connaître par la scène musicale. Mathieu Plante, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben absolument, Malajub. Malade. Malajub. Malajub, c'est le meilleur groupe qu'il n'y a pas. Hey, c'est le fun, Mathieu, on t'entend super bien. Là. Hey, ça fait changement de tantôt. Oui, vraiment. Oui. Tantôt, on n'avait comme aucune idée de ce que tu essayais de nous baragouiner. Fait qu'on en a déduit que tu étais enlevé par des extraterrestres. Le fait est que tu nous rappelles et que tu nous parles, ça nous prouve que t'es pas mort. Ben non, je suis en vie, je suis rendu au centre-ville. Ah, et comment ça se passe là-bas? Y a-tu beaucoup de monde? Ah non, c'est pas super, mais il pleut tellement que tout le monde est rentré dedans, on dirait. Ah, pour de vrai? Au centre-ville, il pleut? Ah, il pleut. Ben là, ça a arrêté un petit peu. Disons que mes boîtes étaient mouillées rendues ici, hein? OK. Ah, ouais. OK, parce que ici, c'est gris, mais il pleut pas. Ah! Ça s'en vient. Ouais, on peut... Oui, je vous le souhaite bien, hein? Merci, t'es fin. C'est ce qui est plaisant des cellules orageuses, c'est que tu peux être au Cap de la Madeleine puis appeler quelqu'un à Pointe-du-Lac puis dire « Hey, il mouille! » Puis l'autre dit « Ah, il fait soleil! » Ouais, ouais. Mais... C'est bon job, les gars, hein? Ben merci, toi aussi. Ça doit être le fun pour vous autres d'avoir une émission où je vous interromps pas à chaque fois que vous dites quelque chose. Ben en général, moi, quand je parle, tu me laisses parler. Ben oui. Il y a juste Simon que je coupe régulièrement. Ben, c'est parce qu'il y a jamais rien d'intéressant à dire. Puis que là, faut que... Ah, ouais. Hey, ben... Oui, Matt. Est-ce que t'as un message important à passer à l'humanité, Mathieu? Que je vais de retour la semaine prochaine au palmarès. Oui. Ah. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de nouveau ou same old stuff? Moi, quelque chose de nouveau, rarement. Au moins, tu... Mais là, Mathieu, c'est parce que tu vas venir de déménager. Là. Ça devrait tout être nouveau. Ta vie va complètement changer à partir de demain. J'espère. Déménager d'un sous-sol, ça change une vie. Mais sérieusement, j'ai habité 3 ans de temps dans un demi-sous-sol. Puis, il a changé. Ah, c'est long, puis c'est plat, puis je te comprends de vouloir t'en aller de là. T'as mué depuis ce temps-là? Ouais, j'ai mué. Avant, j'avais une petite voix comme ça, puis là, j'ai mué avec le demi-sous-sol. Ouais. Mais non, mais tu t'étais acheté un GameCube, là, ça te faisait passer le temps. Là. Ah ouais, un GameCube, quand il fait noir, t'as rien de mieux au monde pour avoir l'air nerd. T'sais, en plus... Je pense à ça, là, l'émission va très bien jusqu'à maintenant, mais vous n'allez pas manquer de temps. C'est pour ça que j'ai fait jouer du Malajub? Ah! Ah! On est capable. Je suis capable de gérer ça. Je suis un presque professionnel. Oui, tu vois, c'est pour ça que quand t'es pas là, tu croches. Oh, c'est tellement cute. Wow, mais là... C'est ça, tu dis ça parce qu'il est là, mais tu dis pas ça quand il est pas là. Non. T'es bon aussi, Simon, tu sais. Ah, merci. Puis DJ King, lui? Ouais. Ah, DJ King, ben là, on l'entend pas vraiment. C'est dur de le retenir, ce qui est là. Mais quand même, il est très, très bon, lui-ci. As-tu compris, DJ King? Ah, ouais, j'ai très bien entendu. Faut que tu t'imposes plus. Dans ta place, DJ King King Fanfan. Je vais l'apprendre. Hey, là, lui, il te l'a dit, hein? Ouais. Hey, là, tu as dit. C'est correct. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta présence téléphonique. Ben, merci à vous de me remplacer comme ça de main de gars. Bon. Cool! Et puis, on se reparle. Ben, de toute façon, on te rentre la semaine prochaine. Oui, et bonne soirée. Et surtout, faites attention à vos genoux. Salut, Mathieu Plante. Bonne chance. Salut. Bon, dans quelques instants, on va entendre les positions 3, 2 et 1 à Sifu 89.1. Ben oui. J'aime beaucoup commencer les interventions avec « ben oui ». Si. Ça donne de la présence en ondes. Ben oui. Ouais. Et c'est maintenant le dernier sprint. Parce qu'on s'en va écouter les troisièmes positions en français et en anglais. En anglais et en français. En anglais et en français. Qu'est-ce qu'on entend comme troisième position franco, monsieur DJ King King Fanfan? Oh, on veut entendre plus. Franco, map avec Take the Money Around. Et est-ce que tu peux me décrire un peu cette chanson-là dans tes propres mots? Ben, prends l'argent alentour de toi, là, c'est pas mal ça, là. Ouais. C'est aussi un jeu de mots. Pour les gens qui sont un peu moins. Je suis pas un imparfait anglophone. Je peux pas vraiment t'aider là-dedans, là. C'est comme une question piège. Non, c'est parce que j'essaie de te faire prendre plus de place. Je t'ouvre la porte à la conversation. C'est un jeu de mots parce que Enron est une compagnie qui a volé l'argent de ses employés. Fait que c'est un jeu de mots. Take the money, Enron. Prends l'argent et sauve-toi. Puis prends l'argent, Enron. C'est okay, beau, hein? Ouais. On en apprend des choses au palmarès. Et qu'est-ce qu'on entend en troisième anglophone, Simon? Troisième anglophone, on a Los Campesinos avec We Throw Parties, You Throw Nights. Ça, là, je suis content de pas l'avoir dit. Là. Un jour, peut-être, tu vas être prêt. Un jour, tu seras prêt. Mais pour l'instant, tu es notre Padawan. C'est fou, 89 ans. Padawan. Hein? Allez, jeune Padawan. Un jour, prêt, tu seras. Dit Yoda. Et vous écoutez, au 89.1, le palmarès. À la gloire de la corporation, la croissance dépense la fiction. De l'arnaque craque, le chat sort du sale, la veuve spéculative éclate. Mais si ça découle, personne n'y échappe. Mais si ça découle, personne n'y échappe. Take the money and run. Vous avez joué nos chemises perdues au blackjack. Mais pour que ce planche est une attaque. Le Titanic coule, personne n'y échappe. Le Titanic coule, personne n'y échappe. Yeah. C'est hein? Ça finit bizarre. Ouais, c'est ça. C'était Los Campesinos avec You Throw Parties, We Throw Knives. Et juste avant, c'était quoi? C'était quoi? DJ King? C'était Matt avec Take the Money and Run. Take the Money and Run! Take the Money. 19h40, c'est maintenant l'heure du top 2. Ça en passe des choses dans notre vie. C'est assez, assez palpitant. Qu'est-ce qu'on va entendre en deuxième position? On a-tu le temps de parler des 30 albums, les 30 meilleurs albums? Ben, c'est une excellente idée que tu me lances là, mon cher ami Simon. Ben oui. Je te dirais ça, les nouvelles entrées. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle entrée? Mon cher Jack, nouvelle entrée, on vérifie de l'autre feuille. Hein. Il y en a juste une, je crois. Oui, juste une, ben oui. Occupe-toi donc de ça, DJ. En 15e position, Little Jab avec... Oh non, attendez. C'est ça, c'est l'autre. Ah ouais, c'est ça, là. C'est Two Hours Traffic, l'artiste. Exactement. Avec l'album Little Jab. Je m'excuse. Troisième position, on vient de l'entendre, Los Campesinos avec Sticking Fingers Into Socks. La deuxième position, c'est une remontée de 4 pour Maximo Park avec Our Earthly Pleasures. Et en première position, The Bravery avec The Sun and the Moon. Oui, on est rendu au deuxième position francophonie anglophone. Et on va commencer avec Camionnette. Camionnette, une chanson qui s'appelle Jouer dans les airs. Et en anglophone, qu'est-ce qu'on entendra, DJ King King Fanfan? Maximo Park avec Girl Who Play Guitar. Le Z est pas muet là-dedans. Ah. Pendant encore 17 minutes, vous écoutez le palmarès de C'est Fou 89.1 avec Jack, Simon et DJ King King. Je suis une rockstar. Quand j'ai les blues ce soir, rien n'arrange mon sort. Watching me decay. We used to talk about girls who play guitars. between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. Just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life, and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass the 1 minute. It's her bed and you're living with your friend. Don't you know how much that hurts? You could pretend and I wouldn't know. I could be who you wanted in the dark. She goes out, she gets drunk. She gets off, she goes home, she gives in. She goes out, she gets drunk. She gets off, she goes home, she gives in. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass her on. C'était les deuxièmes positions francophones et anglophones. En deuxième position anglophone, c'était Girls Who Play Guitars de Maximo Park. Et qu'est-ce qu'on a entendu en première? DJ King King Fanfan? Camionnette avec Jouer dans les airs. C'est drôle, toutes les fois que je te parle, on dirait que je te prends par surprise. Oh oui, je pense que oui. La semaine passée, en première position francophone et anglophone, qu'est-ce qu'on avait, Simon? Ben, francophone, il faudrait que je répète ce que M. DJ King King a dit. Tu le fasses ou... Vas-y, répète. Ben, parce que Camionnette avec Jouer dans les airs, qui était première position la semaine passée. Et en anglophone? Ben, en anglophone, on a parlé tout à l'heure, Pascal Picard. Oui! Ce qui veut donc dire que ce qu'on s'en va entendre, autant dans le franco que dans l'anglo, sont des nouvelles premières positions. C'est tout nouveau dans le cela. New. Donc, on ne les nommera pas, histoire de garder le suspense. C'est absolument... Faut rester, parce que c'est stressant quand on sait pas qu'est-ce qu'il joue. C'est hein? Ouais. Hein? Ben, stressant, c'est pas si pire. Ah, je suis sûr qu'il y a du monde de stressé. Ah, moi, regarde, tu peux même pas t'imaginer comment j'ai... Tu touches mes mamelons? Ben oui. Mes mamelons sont très durs. Ils sont donc bien durs. Ça, j'ai une petite crème, Jack, que je pourrais te prêter pour ça. Ça va être génial. Puis mes mamelons vont revenir tout à fait parfait. Est-ce que tu vas vouloir ça durant la chanson? Je peux faire ça durant la chanson. Parfait. J'ai aucun problème avec ça. Si t'es capable de me... Viens ici, je vais voir. Ah, merci Simon. Et voilà, je vais en mettre un peu, ça va être froid, attention. Merci. Fais-moi donc une béchamel. OK. Caramel, mortadelle, citronnelle, cannelle et miel. Chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. Je suis la maîtresse de ma cuisine. T'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le poêle. C'est toi qui mets à guiner sur le poêle. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le voile avec le chiffon. Cendrillon, lave le voile avec le chiffon. Cendrillon, pardon. T'as mal oublié de laver le chiffon. T'as mal oublié de laver le chiffon. Le plancher, je le serre à quatre pattes. Le plancher, elle serre à quatre pattes. Pour mettre la dinde, je me penche dans le four. Pour mettre sa dinde, la sponge dans le four. Je me pique pour vider le lave-vaisselle. Occupe-toi, une église, ma crise. Cendrillon, la voudrais être un linge à vaisselle pour me mouiller à la besogne. Vous êtes assez fou. 89.1 FM. Ça aussi.